y'a pas trop dans des bois comme le forêt de Sherwood. Même après le casse du siècle, le buff ne serait pas redistribué à travers le hood. Tu croyais quoi, petit naïf? Je suis pas ton sauveur, non, je veux des housses. Le Dounia a eu raison que ma foi, j'ai volé au milieu des ouf. La voix est grave, la douleur est aiguë. Caractère mauvais perdant, trop pour accepter d'être vaincu par le vécu. J'ai traîné de bloc en bloc à un rythme effréné. Je pourrais quitter la rue, mais je sais qu'elle ne me quittera plus. Je crois que j'en suis trop imprégné. J'ai passé l'âge de me faire entraîner dans des plantes traînées. Je t'avouerai même qu'en ce qui me concerne, j'ai freiné le bus. Pas pour des blèmes de conscience, mais pour la raison que les bénéfices que j'ai pu faire ont rarement valu à mon goût les risques que j'ai pu prendre. Plus de temps pour les petits profits qui permettraient même pas de m'offrir autre chose qu'un commis d'office. Vu qu'on charbonne pas pour la gloire, rien à prouver. Aucun de ceux qui parlent strip crédibilité ne bougerait son derche si les choix venaient à me soulever. Basson, me faites pas chier, ça fait 50 piges que c'est la crise. On va pas se tuer, laisse les caprices aux petites actrices. Nous, on y est déjà habitués. Je serais pas de ceux qui inciteront à tendre l'autre joue. Dans le mal ou dans le bien, soit quelqu'un, on se fera enculer un autre jour. Avis à tous les scélérats comme moi. Si tous les grands hommes ont chié, je crois qu'on est sur la bonne voie. Homme d'affaires, skate pas et recuit. Tu connais nos codes pour les gens intelligents. La street y'a pas meilleure école. Hey. Allemandes sont les perlines, israéliennes sont les armes, italiens sont les textiles, vénézuéliennes et la cam. Américain est dream, africain est le drame. Je sais pas à quoi Dieu nous destine, mais qu'il est pitié pour nos armes. Je fais pas spécialement de rap de thèse, mais tous les mecs de ta thèse m'écoutent. J'ai forniqué, j'ai escroqué, j'ai bisé, mais je perds, est-ce que ça me coûte? On voulait déjà niquer le système sans savoir ce que c'était ici. Ça valait le coup, niquer les cops avant même de capter que c'était eux qui nous tenaient par les couilles. Le crime ne pète jusqu'à ce que la crime te pète. Laisse-moi refourquer mon rap sans stress. J'ai les dents plus longues que la liste de mecs auxquels je dois rembourser des dettes. T'auras beau prix et demander de l'aide lorsqu'un tas de keufs puant la haine. De crier on t'agenouille sans même prononcer les dettes. Ta clique est sous CC, la mienne et sous CR. De Kebra, ta CB, les claves et ton FV, MDR. En réflexion quant au pouvoir que le fric implique, c'est le bise et le cancer de nos tests. Le cancer du bise, c'est le téléphone portable et les indiques. Jeune Renoir est fou, Zornois est fort dans tous les plans bourbiers. Elle a fait tout ce qui peut se faire fourrer ou qu'on pourrait trop forguer. Tous réunis pour du fric, tels les apôtres au temps du Christ. Comme une descente du raid, on se pointe sans prévenir et on boule. On a vécu nos vies, puis on les a kickés, on les a clippés. Tu nous as vu sur Bouscapé, tu nous as cliqué. On vient pas de la West, mais de la Wesh, Wesh, Sai. Vise bien le cœur si tu veux éviter les représailles. Avis à tous les scélérats comme moi. Si tous les grands hommes ont chié, je crois qu'on est sur la bonne voie. Homme d'affaires, skate pas et recuit. Tu connais nos codes pour les gens intelligents. La street y'a pas meilleure école. Hey. Allemandes sont les perlines, israéliennes sont les armes, italiens sont les textiles, vénézuéliennes et la cam. Américain est dream, africain est le drame. Je sais pas à quoi Dieu nous destine, mais qu'il est pitié pour nos armes. Allemandes sont les perlines, israéliennes sont les armes, italiens sont les textiles, vénézuéliennes et la cam. Américain est dream, africain est le drame. Du 45 vient la vermine, que tous les blocs nous acclament. Du 45 vient la vermine, que tous les blocs nous acclament. Parabellum Corporation, Desperados, Tos, Tos c'est la famine. Prod Phaser à la compo, hein. C'est Bendrix à la gratte, que la musique soit.